Et nous allons passer à la méditation intranquille. Alors, attends, tiens, regarde, on va déjà faire un petit test des micros, parce qu'on a là, du coup, parce qu'on a Revifer X et Jeanne, comment tu t'appelles ? 7. Alors, on va faire un petit test micro, enfin un petit soundcheck en direct. Ah, voyons, est-ce que... Non. Hello, hello, hello. Yes. Bonjour, bonjour. Trop beau. Bonjour, bonjour. Ah, ça c'est... Ça ok, c'est top. Ça fonctionne, hein ? Ça fonctionne. Et le test de votre dispositif électronique également. Yes. Voyons que... Hop, que voici... Avoir. Est-ce que... Ça marche super, super, ça marche super bien. Trop bien. C'est donc parti pour environ une 10, 12 minutes, yes, si ça vous dit, ouais, de parfait. Non-méditation tranquille ou de méditation intranquille ou appelée cela comme vous voulez, et un bon appétit. Alors bonjour à tous, pour les auditeurs X qui viennent de nous rejoindre, je suis Revifer X et tous les midi 15 sur Radio Zine, du coup vous retrouvez une méditation intranquille, un moment d'impro seul ou à plusieurs sur l'antenne. Et aujourd'hui j'accueille du coup Seth qui revient tout fraîchement de Paris et qui était à la manifestive pour les droits à la free party et à la fête libre. Bonne écoute et à toutes. Des cultures, des modes de vie, des idées, des pensées différentes, mais surtout le partage et l'accès à la musique librement. Les générations précédentes nous ont laissé de bonnes armes pour faire face à la répression qui veut éteindre le mouvement depuis ses débuts. N'oublions pas les valeurs capitales qui nous animent: solidarité, unité, respect et autogestion. Entre les orgas et le public. On rentre ensemble, on sort ensemble. Yeah.

Merci Révi Férix, merci Seth. J'imagine à demain avec un autre setup. Oui, alors cette fois, moi j'ai des pédales. Moi j'ai un harmonica et un kalimba. Et je viens distordre les sons de l'harmonica et de ce que fait Seth avec les pédales. C'était une super belle impro en tout cas. On s'est bien marré. Bon, en tout cas, on est vraiment ravis d'avoir pu partager ça. Et puis, à demain. À demain. Merci.